Retro Nouveau. Et bienvenue à ce 10e épisode de Rétro Nouveau, tabarnouche. Déjà l'épisode 10. Ça va vite. Ça va vite en tabarnouche. Puis écoute, on va commencer ça. Moi, je voulais parler de deux jeux que je joue de ce temps-là. J'ai bien du fun avec ces jeux-là. Puis je voulais entre autres parler de l'orientation qu'on a choisie avec Rétro Nouveau récemment. On s'était dit que il y a tellement de podcasts, de sites, de critiques, de partout qui vont vous parler de gros jeux dont tout le monde parle pour vous donner leur cote puis tout ça. Puis probablement que si vous écoutez le podcast, ben vous avez déjà joué. Ouais, absolument. Si vous connaissez déjà ces jeux-là, fait. Même moi, je joue pas, puis je les connais déjà parce que tout le monde en parle. Puis à chaque semaine, je vois ça passer sur Twitter, sur Facebook. Ah, là, demain, c'est Dead Island, tu sais. Puis tout le monde parle de Dead Island, c'est Dead Island. Là, là, là. C'est ça. Donc, ben continue, en fait. Ben, c'est nous, ça. Exact, mais c'est dans le fond, si on a discuté, moi puis Dominique, puis on s'est dit qu'on voulait vraiment peser sur les découvertes plus que les jeux. Tout le monde va jouer à ces jeux-là, donc pas nécessairement besoin de... Un iPad... Hi, ça paraît que Steve Jobs est mort à soir. Ouais, Steve Jobs est mort à soir en passant, on est bien triste. Ouais. Mais c'est ça, pas besoin d'un autre podcast pour couvrir encore la sortie du nouveau jeu, là. Tout le monde le fait. Donc nous, on aime jouer ou essayer de vous faire découvrir des trucs. Puis par le fait même, nous autres aussi, découvrir des nouvelles affaires, tu sais, parce que... ces jeux-là, tout le monde les connaît. Mais bref, on les éclipse pas pour autant parce que, veux pas, moi, entre autres, puis même toi, Dominique, on joue quand même, tu sais. Fait que là, cette semaine, je vais vous donner mes impressions rapides sur Driver et Dead Island. Ça sera pas des critiques, mais je vais vous donner mes impressions pareil parce que je joue présentement, puis je trippe au bout. Fait que c'est ça, je vais commencer par Driver. T'en avais déjà parlé dans un épisode précédent. T'avais joué aux démos dans ce temps-là. C'est ça. J'avais joué aux démos, puis vraiment, le démo m'avait surpris parce que dans Driver, il y a une affaire qui est complètement différente des autres drivers. C'est que là, on peut se promener d'un véhicule à un autre. On peut prendre l'identité d'un autre conducteur, littéralement. Là, tu montes au-dessus de la carte de San Francisco, puis tu t'en vas dans un autre véhicule. Puis moi, au départ, quand j'avais essayé ça, j'étais pas trop certain. Je me disais, ben voyons donc, ça fait bien trop science-fiction. Ouais, comment tu vas s'en tirer? Puis tout ça. Ouais. Je trouve un peu quétaine, là. Mais c'est ça, comme j'ai dit dans l'autre épisode, c'est bon parce qu'il s'en tire bien, parce qu'il traite avec humour. Puis tu vois que le gars, et son partner, il y croit pas trop. Puis finalement, il a besoin de se prouver. Mais bref, dans ce jeu-là, ils ont décidé d'arrêter le niaisage, chose que j'adore énormément. Parce que moi, ce que j'aime pas dans un jeu, c'est chercher mes missions ou avoir besoin vraiment là, de travailler super fort pour finir par aimer le jeu. T'sais. Ouais, parce ouais. que, comme dans Grand Theft Auto, ce qui me dérangeait, c'était d'avoir besoin de me rendre à l'autre bout de la carte pour pouvoir faire ça. Il se passait rien quand on allait à l'autre bout. Là. C'était fatigant. À la fin, là, je me payais un taxi à toutes les fois, là, puis je partais, puis c'était comme bon. Ben, tu sais, en même temps. Dans ce temps-là, c'était correct. Ben, Grand Theft Auto était quand même assez innovateur. C'était, c'était comme façon de jouer. Mais aujourd'hui, je trouve que c'est pas tolérable. Là. Non, c'est ça. C'est un défaut qui doit être corrigé, absolument. Exact. Non, ça a été corrigé là-dedans. Là, ça a été corrigé, c'est ça. Fait que Driver, c'est un carré de sable, littéralement. C'est un jeu sandbox. Sauf que tu peux monter au-dessus de la carte, puis tu as toutes tes missions qui sont disponibles là. Fait que tu peux te promener. Puis là, tu t'en vas, oups, il y a un policier qui est là, tu vois qu'il y a une mission, tu rentres dans l'auto du policier, puis tu prends son identité. Fait qu'admettons qu'il y a une poursuite de char présentement, ben toi, tu peux prendre l'identité de Roger qui mangeait un beigne, qui s'en allait arrêter un malfrat, puis toi, ben tu vas prendre son char, puis tu vas foncer dedans. Fait que c'est des filles cool. qui conduisent des fois, puis tu peux être une fille. Mais jusqu'à date, c'est vrai, j'ai pas été une fille. Ah. Fait que ça, c'est complètement faux, j'ai été une fille. Ah ouais. Parce qu'au début, t'as une mission. Là, est-ce que tu chauffais tout croche? Non, c'est ça, mais écoute, oui. T'avais de la misère à stationner ton char. Écoute, ben garde, pour poursuivre la farce, parce que c'est vraiment ça qui est arrivé. C'était une fille qui s'était faite kidnapper, puis elle était dans une. Elle était dans valise. OK. Fait qu'elle était poignée dans valise, puis moi, je me disais, je vais switcher à cette fille-là pour pouvoir avoir une vue de la valise pour savoir où est le véhicule. OK. Puis ça se fait dans le mode scénario parce qu'il y a des missions en mode scénario, puis il y a aussi des missions un petit peu là, que tu fais n'importe quoi, que tu vas faire des cascades, tu vas arrêter des malfrats, comme je disais tantôt, ou tout simplement faire des courses, mais. Là-dedans, dans le mode scénario, ben on court après une espèce de gros méchant, puis bref, c'est qui s'appelle Jericho. Puis ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit retrouver des personnes, on doit traquer du monde, comme dans à peu près tout ce genre de jeu-là. Mais ce qui est le fun, c'est qu'il garde tout le temps les éléments du jeu assez frais parce que la façon que tu vas switcher dans les autos. Des fois, ça va te servir à faire terminer deux autos en même temps. Des fois, ce qui est vraiment le fun puis que je me sers tout le temps, c'est de prendre un véhicule puis d'aller choisir un autre véhicule dans le sens contraire puis de foncer dans ceux-là qui me poursuivent okay. ou qui sont en avant de moi. Fait que tu peux être hyper tactique dans ton affaire. Là, t'es crash, puis là, avant de mourir... T'es crash, puis admettons que t'es dans une course de 8 personnes, bien, si tu crash les 8 autres personnes parce que tu rentres dedans avec une van, puis tu reviens dans ton char, t'es correct. Ah, cool. Fait que c'est vraiment cool. C'est, ton char, il fait quoi façon. Pendant que t'es plus dedans? Là, Ben, il continue à rouler. Mais toi, t'es parce comme que, ton personnage, je veux dire, il n'y a plus personne dans ton corps. Et encore une fois, abracadabra, on n'y pense pas du tout. Tu sais. OK, il continue. Ah non, il continue. Il tourne les coins, il se promène tout seul. Il fait ses affaires. Okay, okay. Ça, c'est bizarre, pareil. Oui, c'est bizarre, mais tu sais, bizarrement, ça marche dans ce jeu-là. Puis il y a Denis Talbot de Monsieur Net qui a fait une excellente critique du jeu. Mm-hmm. Puis c'est ça, il en parlait aussi. Puis comme il disait, il arrive à s'en tirer vraiment. Là, tu sais, puis. Ouais. Ils font ce jeu-là avec cette mécanique-là qui, au départ, tu te dis c'est un petit gadget niaiseux qui sert à rien, mais au final, tu t'en sers sans arrêt et tu as tellement de fun avec ça. C'est super cool. Non, je trouve que c'est une super bonne idée. C'est vraiment une bonne idée. C'est une toute autre façon comme de jouer, là, vraiment, de switcher d'un auto à l'autre dans tous les sens. Tu peux sûrement changer 5 fois en ligne. Mm-hmm. Une auto. Puis il ne faut pas que tu oublies que ton personnage continue, lui-là, dans c'est son bord. Exact. Puis tu sais, tu peux même, admettons, tu vas finir une course avec deux autos. Admettons, tu contrôles deux véhicules quasiment en même temps. Tu t'en contrôles un, puis l'autre, admettons, qui est en cinquième position. Oups, je vais retourner à celui qui est en cinquième position. Ouais. Parce que tu peux aussi, après un certain point, switcher dans une auto, puis switcher dans une auto après, puis juste en pesant sur une gâchette, tu vas pouvoir changer rapidement d'un auto à un autre. Okay. Wow. Fait que c'est vraiment cool. Tu peux faire des cascades comme ça, puis impliquer plusieurs véhicules. Tu peux littéralement inventer des crashs entre deux autos que tu vas contrôler toi-même. Ouais. Tu sais, ça peut devenir hyper compliqué comme concept, puis au départ, c'est super simple. Fait que je trouve ça vraiment génial. Moi, j'ai énormément de fun avec le jeu. Je ne l'ai pas fini. Je sais vraiment pas quand je vais finir ça parce qu'il y a tellement de stock à faire. Là, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de fin. Il y a peut-être une fin au scénario, mais les missions secondaires, il y en a tellement. Là, c'est trippant. C'est un jeu qui en donne énormément. J'ai autant de fun justement à jouer à la première personne qu'à la troisième personne. Ça dépend des événements. Des fois, ça va vraiment mieux de jouer à la première personne. Puis l'animation est vraiment bien faite. Il y a l'intégration aussi des cinématiques puis tout, ça a été cohérent. Bref, je vous en dis pas plus, mais j'ai vraiment du fun avec ce jeu-là. C'est un super bon jeu. Pour moi, c'est un achat parce que, tu sais, garde, c'est pas... C'est vaste, là. C'est super vaste, puis c'est pas un jeu... c'est un jeu que tu peux louer, ce que j'ai fait d'ailleurs, en passant. J'ai loué le jeu, puis j'étais complètement accro, là. Je pouvais plus arrêter pantoute. Fait que j'ai continué, je l'ai acheté, c'est un super bon jeu. Fait qu'on peut dire que ce nouveau driver-là fait revivre une série qui était en train de mourir. Ah, elle était morte. Morte. Là. Complètement. Fait que c'est le grand retour. Là, j'ai hâte de voir si le prochain va comme garder la même tactique. Là, Moi, je pense qu'ils vont garder ça parce que c'est ça qui nous a donné des points. Ils ont une super bonne cote sur Metacritic, puis... Tous les critiques s'entendent pour dire que c'est à cause de cette mécanique-là, c'est si bon. Puis aussi le fait qu'on peut aller d'une mission à une autre aussi rapidement, ça c'est vraiment génial. Puis je trouve que les autres jeux devraient prendre des indices de ça, ouais. Parce que moi, je trouve ça plate d'avoir à traîner pendant une demi-heure me rendre à ma mission. Je trouve ça plate. En passant, Red Dead Redemption, je sais que tout le monde adore ce jeu-là. Ils capotent en fendant leur manette. Mais moi, Red Dead Redemption, ce qui m'a tanné par bout, c'est d'être tout seul sur mon cheval pendant 25 minutes pour me rendre à la ville suivante. C'est bien cool de te sentir comme un cowboy loner pendant un bout, mais à un moment donné, t'as d'autres choses à faire dans la vie. Puis j'aime ça quand on s'en va là, direct à l'action d'une shot, tu sais. Ouais. Fait que c'est ça. Fait qu'en tout cas, Driver San Francisco, ça s'en va dans la bonne direction. Puis pour continuer ça, je vais vous parler d'un jeu, comme dirait Dominique, dont tout le monde parle vraiment. C'est devenu un phénomène, puis pourtant c'est un jeu qui est pas qui était pas supposé devenir si big que ça, je pense. Pas en tout, puis en plus c'est une grosse surprise. Hey, écoute, Techland qui ont développé ça là, le jeu qui venait de sortir juste avant ça a été critiqué à Monsieur Net. J'étais là pendant la critique, puis je me disais waouh, quel désastre. C'était Call of Juarez de Cartel. Ah ouais, c'était pas bon ça. Un navet épouvantable, tu sais. C'est vraiment un mauvais jeu qui est rempli de bugs. Le gameplay est vraiment pas bon. Fait que je me disais, merde, tu sais, c'est un genre de first person Dead Island. Fait que je me disais, ça va mal. Mais encore là, Dead Island, ce qui fait de ce jeu-là qui est aussi intéressant, tout le monde le sait, c'est un jeu de zombies. On est pogné sur une île. C'est une île paradisiaque. Le jeu se joue le jour quand on va commencer le jeu. Puis, il y a des zombies partout. Il y a une invasion. Il y a des zombies partout. Puis, il faut se sauver de là. Au début, on choisit un des quatre personnages. Puis, c'est des personnages qui vont se battre vraiment. C'est du corps à corps. Là. Fait que ça change. Là. Tu sais, les armes. Pas de gun là-dedans tant que ça. Il y en a, mais il y en a beaucoup plus loin dans le jeu. Puis, c'est pas le genre de jeu là, que tu vas pouvoir plomber des zombies comme un malade, là, comme mettons dans Dead Nation ou des jeux comme ça, ou dans Left 4 Dead. T'sais. C'est-tu stealth un peu? Faut que tu te sauves toujours? Ou ben, vraiment, c'est pas de problème à te battre tout le temps? Là, non, mais c'est vraiment réaliste. Ouais, okay. C'est que, premièrement, les zombies sont vraiment variés, puis il y en a qui sont super lents, t'sais, vraiment comme... Puis il y en a d'autres, ils vont vraiment crier comme des Mongols à t'en faire peur, puis courir sur tout, puis se faire aller les bras, là, tout le côté. Puis ça te fait voler. Puis moi, le fait que ça soit à première personne, normalement, j'ai pas trop de problèmes. J'avoue que j'avais fait des grosses tépettes à Condemned 2, qui était un jeu d'horreur à la première personne, genre style baston. Comme un peu, là, que tu fais des combats en corps à corps. Puis, quand tu te fais sacrer une volée par un zombie, tu recules dans ton sofa parce que t'as vraiment l'impression d'être le gars. Ça marche au bout, tu sais. Okay. Puis, c'est ça ce que j'ai aimé, la variété de zombies parce qu'il y en a vraiment plein. Puis aussi, l'environnement. Je pense que l'environnement est tellement... c'est tellement vaste. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que les jeux de zombies, depuis le début des temps... ça se passe la nuit, tout est massacré, il n'y a pas de vie, il n'y a rien. À part dans Zombies Ate My Neighbor, My Neighbors sur le Super NES. Bon flash. Ça vous prend ça. C'est vrai ça ou Plants vs. Zombies. Oui, c'est vrai. Ah, ouais, ça se passe la nuit aussi, mais il y en a un jour aussi. Ouais. Mais tu sais, c'est le fun de se retrouver sur une île paradisiaque, il fait beau ciel. Ça fait changement là, du film d'horreur, là, la nuit, puis que c'est bien, bien dark puis bien bloody. Là. C'est ça. C'est juste le fun d'être ailleurs. C'est bloody le jour. Bloody le jour. C'est Bloody Joe, hein? C'est un bon... un bon drink. Colin, ça serait un bon titre d'album pour Sonny Duval, ça. en tout cas, tu sais, Dead Island, ce qui est le fun, c'est ça, c'est l'environnement est écœurant, puis aussi, c'est un jeu qui va attirer les gens qui ont aimé Fallout, mais surtout Borderlands, qui est un genre de c'est comme un... Comment on pourrait dire ça? Un RPG first person shooter. OK. Fait que tu dois pas aimer ça ben d'abord. Ben moi c'est ça, c'est que normalement c'est pas mon genre de jeu pantoute. Ouais. Borderlands m'a accroché parce que Tristan Geoffroy m'en a tellement parlé de Borderlands que je me suis dit je peux pas passer à côté. Il faut absolument que je joue. J'ai joué, puis j'ai vraiment été accroché. Là, sérieusement, j'ai vraiment aimé ça. Puis dans Dead Island, je trouve que ce que Borderlands fait, Dead Island le fait encore mieux parce que il faut chercher tout le temps des éléments. On cherche du cash, on cherche justement des batteries, du fil, des canettes de bière. On cherche plein d'affaires comme ça pour aider les survivants, mais aussi pour modifier nos armes. On peut avoir une modification de clous pour mettre sur notre bâton, on peut avoir une modification électrique pour mettre sur des couteaux, pour avoir des couteaux électriques, des trucs pour faire exploser. Fait que, non, c'est le fun, puis notre personnage évolue, puis il y a énormément de choses à faire. Puis, ce que j'ai moins aimé dans le jeu, c'est qu'il y a le son, je l'ai pas trouvé bon tout le temps. J'ai trouvé que des fois, là, un zombie peut être à peu près, là, je sais pas, moi, peut-être une centaine de mètres plus loin, puis t'as l'impression qu'il est super proche. Ah ouais? Finalement, il est loin. Okay. Fait que là-dessus, des fois, le son, j'ai trouvé ça boboche un peu. Évidemment, le problème de mapping, des fois, les textures apparaissent, ça pop dans ta face d'un coup. Fait que, admettons que t'as un zombie qui approche sur toi, puis là, whoop, il y a pas de muscles, sa peau est super fade, puis finalement, il y avait un t-shirt, lui. Ah, okay. Fait que, des fois, il y a des détails comme ça qui sortent. Mais ça change rien. Ouais, c'est ça. Ça change rien si c'est le fun en même temps. C'est mais super le fun, la jouabilité. Ça serait mieux s'il n'y en avait pas. Mais est-ce que c'est parce que c'est un petit studio, tu sais, qui n'ont peut-être pas tant. Moi, on peut-tu dire ça? Tu sais, il manque un peu de skills à ce niveau-là. Ben, moi, je pense que Techland, c'est parce que normalement, quand ça arrive des choses comme ça, c'est pas parce que les gens qui travaillent là-bas, c'est des sans-génies. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas de temps. Ouais, c'est ça. Ils manquent de temps. Absolument. La plupart du temps, le projet est chippé trop vite, mais c'est pas des décisions qui sont faites par les artisans. Non. Ces gens-là vont travailler. C'est ce que c'est. Nous autres, on est graphistes, puis des fois, il faut qu'on sorte le stock pas mal rapide. Exact. Il peut arriver des pas mal rapide, puis aussi, ton client va peut-être te dire « Ah, finalement, j'aimerais ça que tu me fasses ça avec la fonte Mistral, puis les cochons. » T'es obligé de le sortir, c'est ta job. Ils sont obligés, c'est les programmeurs puis les gens qui travaillent dans l'industrie là, d'y aller avec les délais, puis les délais raccourcis, puis les délais raccourcis, bien raccourcis. Fait que ça peut arriver. Mais en même temps, ben good job. Mais ce qui est le fun, c'est que ça m'a fait changer d'avis sur les jeux de zombies. Je trouve que les jeux de zombies, on tourne en rond, puis je suis un peu carré. C'est un mode ces temps-ci, les jeux de zombies. Il y en a trop. Zombies, depuis 3-4 ans, là, tout le monde tripe zombies. Mais le remake, comme une version zombie de Call of Duty, version zombie de Red Dead, version zombie de tout. Ouais, n'importe où. Puis Left 4 Dead, c'est un jeu de zombie. Mais par contre, Left 4 Dead, j'avoue que c'est un autre de mes très bons jeux. Zombie pareil. Je trouve ça un peu plat. Non, c'est ça. Je suis un peu tanné des zombies. Mais là, c'est le fun parce que ton zombie, c'est peut-être un gros vacancier ou une pitoune qui fait tout le temps le party. C'est ça. Moi, je trouve ça délicieux. Là, c'est dans le fond, tu frappes des douchebags un peu. Oui, il y en a plein. Il y en a plein, hein. Mais ce qui est ce qui est dommage, c'est que comme dans la vie, les douchebags, c'est les plus forts. Ah ouais, ils sont forts. Sac une volée, mon gars, t'en vas super loin. Ils ont des gros chaînes en or, donc du coup, ça bloque les shots. Puis, c'est tough. Non, ils sont rough, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, ton personnage, tu évolues sans arrêt. C'est super le fun. Moi, c'est dommage parce que j'ai décidé de choisir le personnage comme une espèce de gros yo. C'est un rapper assez baraqué. Tu sais. Je me suis dit, lui, il a l'air big, il a l'air tough, là. Je le prends, il a l'air cool. Tu sais. Finalement, les dialogues qu'il fait, il m'énerve un peu. Il tape ses nerfs, puis j'aurais dû choisir les autres. Mais tu sais, je trouvais que c'est ça, l'autre gars, il a l'air de l'espèce de petit énervé qu'il y a dans Black Eyed Peas. Puis les deux filles m'inspiraient pas trop. Tu sais. Là, je suis parti avec lui. Tu sais. Mais ça marche. Tu sais, c'est un jeu, t'as-tu fini ça, ce jeu-là? Non, je l'ai pas fini. Ça doit être long, je joue encore à ça, puis c'est très long parce qu'il y a énormément de quêtes. Il y a des quêtes principales, mais il y a des quêtes secondaires aussi, puis tu peux te perdre vraiment dans l'environnement. Là, tu te promènes. J'ai l'impression, ça a l'air vaste quand même, même si t'es sur une île. Là, c'est une île est grosse. Ben, c'est énorme parce que t'es sur une île, puis des fois, genre, tu rentres dans un hôtel, puis là, l'hôtel, il n'y a pas de lumière, tout est tout croche, puis là, ben, il y a des monstres qui sont là-dedans, les petits zombies, ils essayent de te pogner. Puis des fois, ce qui est le fun, c'est que les zombies, pour une fois aussi, vont détruire certaines structures pour arriver à toi. Comme un moment donné, j'arrive, puis il y a une salle de conférence, puis il y a des zombies qui piochent sur la porte comme des morons. Moi, je passe à côté de la vitre, je suis comme « gang de losers ». Paf! Ils pètent la vitre, puis ils me foncent dessus. Fait que tu sais, je trouve ça merveilleux. Fait que un super bon jeu, une fois de plus, c'est un genre de sandbox, un carré de sable. Fait que je pense que des fois, il y a certaines longueurs, mais c'est des longueurs qui sont quand même appréciées parce que Pendant ces longueurs-là, on va être obligé de se battre contre d'autres zombies qu'on n'était pas supposé rencontrer. Okay. Puis on va aussi pogner un truck assez rapidement dans le jeu et foncer dans les zombies avec un truck. Bien sûr. C'est assez fantastique. Cool. Fait que c'est ça. Fait que j'en parle pas plus. Hey, impression rapide, mon cul. Hein? Ça a été un petit peu long. Mais bon, regarde, j'ai eu bien du fun. Fait que c'est ça. Ouais, là, après notre dernier épisode, en fait, je m'en allais de chez vous. Ici, j'avais des matchs, on a checké vite, on s'est rendu compte que les PlayStation 3 dans le spécial au Future Shop. Donc, straight le lendemain, moi, je me suis pointé là. J'avais un gap, là, je suis bien occupé ces temps-ci encore, puis j'avais comme une heure de lousse, là. Okay. Donc, j'étais pas loin du Future Shop du centre-ville, en face de Musique Plus, dans le fond. Ouais. Fait que j'ai fait un hit and run, là, j'étais allé chercher un PlayStation 3. Pas t'as cher. Fait ça vite, man. Ah, vraiment, ça on m'a... a parlé la veille. Le plus long, ça a été de me stationner. Puis j'ai acheté ça, mon gars, comme on achète un sac de pommes. Là. Je suis rentré en place, puis personne s'est occupé de moi. Parfait, pogne le PlayStation, s'en va, ciao, bye. Donc, j'étais bien content. En même temps, moi, comme j'ai dit dans le premier épisode, je suis comme rétro, mais un peu par défaut, tu sais, pas parce que je veux absolument pas jouer aux nouvelles affaires, parce que j'ai tellement de vieilles affaires à essayer, puis tout, puis je sais pas, je repousse, j'attends. Moi, jamais que je vais acheter une nouvelle console qui sort, puis qu'elle coûte 800$, puis il y a un nouveau aussi, nouveau ça. Quand la Wii U va sortir, qu'elle va coûter 600, moi, je vais pas acheter ça. Là, même si c'était le PlayStation 4. Donc, j'attends. Je suis pas pressé. Là. Et des jeux, il y en a en masse dans la vie. Là. Fait que, moi, je suis de ce type-là. Alors, le prix était bon. J'étais pas mal satisfait. Puis, C'est vraiment pas cher. Ça. Non, ça m'a coûté... T'es quoi? T'es 169? Ouais, 179, je pense. 179, quelque chose, c'est vraiment pas cher. Je sais qu'elle revient à peu près à 200$. Hein. Ouais, c'est ça, avec les taxes. Là. Donc, j'étais bien content. J'ai branché ça. Mais là... J'ai voulu brancher ça, en fait. Puis il te donne un beau fil à RCA avec ça. Il n'y a pas de fil à RCA. C'est fail, hein? Tabarnak, j'ai de la merde. Je comprends parce que, pas. On dirait que les fils HDMI, c'est comme traité encore aujourd'hui, comme si c'était la fin du monde. Ouais. Là. Mais écoute, là, j'en avais besoin d'un rapidement. T'sais. Je voulais brancher, puis je voulais jouer. Fait que je suis allé voir au magasin, 40$, 50$. Tu peux acheter Dynex, là, ben, ça fait un job. Là. Puis moi, en fait, j'achète ça sur monoprice.com. Oh. Puis là-dessus, les fils HDMI de 4 pieds, c'est 2$. T'sais. Puis shipping, c'est 5$. Ça fait que tu en achètes là, 4, là, ça fait 8$. Tu as 4 fils, t'sais, plus 5$ de shipping. 12$, c'est rien. Là. Puis ils ont tout là-dessus. J'achète des câbles pour mes jeux rétro. J'ai acheté un câble composite pour ma Wii. Parce que la Wii est RCA, mais tu peux la brancher composite aussi. Donc, ça donne quand même une grosse différence. Parce ça donne une énorme différence. Quand je jouais à Gradius Rebirth, mettons, à RCA, puis après ça, j'ai branché en composite ma Wii. Et là, l'espace, là, les points dans ma TV, c'est là, beaucoup plus c'était beau. Superbe, ma Wii. J'ai une TV 46 pouces, ça fait que ça bâchait solide. Oui. Donc, voilà, pas de fil HDMI, donc j'ai pas joué. Hey, ça fait un bout, tu sais, j'ai acheté. Ben, je voulais profiter du deal, en fait, là. Je suis pas pressé de me ruiner dans un jeu, là. Je la voulais. Mais de toute façon, t'es un gars qui est pas pressé des jours au départ. Ça. Fait que, tu sais, moi, je suis du genre, j'aurais acheté la PlayStation, j'aurais acheté à peu près 4 jeux avec. Là, ouais, c'est ça. Ben, en même temps, je suis pressé tout ce qu'il y a, j'étais un peu déprimé, là. Parce qu'il est tard, tu sais. Puis là, qu'est-ce que je vais acheter? Je vais acheter Castlevania, c'est sûr, parce que je le veux, j'aime les Castlevania. Je vais acheter Portal 2, je vais acheter God of War 3. Mais ce qui est le fun, c'est que tu vas. Tous ces jeux-là sont rendus 20$. Ben, c'est ça, par exemple. Tu vois, t'es ça, c'est chanceux, un autre avantage. Là. C'est pour ça que je suis content d'acheter plus tard, parce que ça me coûte pas une beurrée, tu sais. Mais c'est ça. Ben là, moi, je voulais parler de Limbo, là. Mais là, Bruno m'a dit que tout le monde en avait déjà parlé pas mal. Puis c'est sûrement le cas. Parce que moi, j'arrive avec ma PlayStation 3, genre 4 ans plus tard. Donc. Hey, salut! Salut! Hey, Bruno, Limbo, c'est malade! Non, mais je savais que tout le monde avait déjà joué. Ça fait un an qui est sorti. Le monde en a pas mal parlé. Le monde en a pas mal parlé, mais c'est parce que j'ai juste joué au démo que j'ai tellement eu de plaisir. C'est le jeu que j'ai envie de downloader immédiatement pour jouer, tu sais, tout de suite, parce que c'était c'est merveilleux ce jeu-là. Mais là, c'est ça, je suis branché à RCA, puis là, j'ai débranché mon hélico HDMI pour brancher dans ma PlayStation 3. Okay. Puis là, elle a comme dit, oh, maintenant j'ai un HDMI de brancher dans moi. Est-ce que tu veux qu'on utilise ça tout le temps? Là, ben oui, tu sais. Parce que je me suis dit, si je remets RCA, après, il va me redemander la même affaire. Exact. Ben, non, il me l'a pas demandé. Non! Fait que là, je sais pas quoi faire, je sais pas où aller pour dire non, vas-y à RCA maintenant, tu sais. Ils ont pas le temps de jouer à nouveau. Ah, je te le montrerai, donc, mais de toute façon, c'est mieux que tu te logues en HDMI. Là, HDMI, je vais recevoir mon fil pas tes cette semaine, genre, là, dans une couple de jours. Fait que j'attends. Là, elle attend. Puis elle est grosse, hein, pas si belle que ça. C'est comme un ovale, là. Ouais. Mais tu sais, elle est moins grosse que la fat, là. Moi, c'est ce que tu vois, là. J'ai la fat, mais j'ai la slim en haut. Ben, je trouve pas que c'est un bel appareil, moi. Me semble, je trouve ça chubby, noir. Mais je trouve que la trouve plus slick qu'une Xbox, là. J'aime pas la Xbox, mais tant qu'à ça, la Wii, je la trouve encore plus belle. Plus petite, faut dire, là, cet avantage-là. Exact. Mais c'est une belle petite boîte, la Wii, elle tient en diagonale debout, c'est super sharp, mais ça, c'est un genre de grosse affaire ovale, puis ça rentre tête dans mon TV, là. J'ai eu la chienne. Mais tu sais, si on regarde ça, là, niveau design, j'ai jamais trouvé les consoles de PlayStation très belles. Absolument pas. T'sais, Microsoft non plus, le premier Xbox. Non, c'est ça. C'était un éléphant, ça. C'était pas bien beau. Là. Mais même le nouveau, moi, j'aimerais ça que toutes ces boîtes-là soient moins grosses, tu sais. Ah ouais. Ils n'ont peut-être pas le choix de mettre des fans, là, puis des affaires, parce que... Ouais, je sais, mais tu sais, tu le vois après ça, tu sais, ils sortent une grosse boîte, puis après ça, ils disent « Ah, voici la version Slim! » Comment? Mais tu sais, en même temps, ils ont coupé le fait que c'était rétro-compatible, tu sais, puis... Même affaire dans le temps, moi j'ai une Nintendo Top Loader, tu sais. Mm-hmm. Puis elle n'est plus RCA, tu sais. Parce qu'ils ont enlevé cette option-là pour qu'elle soit plus slim, justement. Ouais. Donc des fois, ils font des gros sacrifices pour que les consoles soient plus petites. Puis c'est correct, tu sais, mais. Anyway, j'ai encore PlayStation 2 chez nous si je veux jouer. Mm-hmm. Puis si je veux jouer à des jeux de PlayStation 1, je vais jouer dans ma PlayStation 2. Ouais. Donc c'est ça. Mais non, satisfait. Puis je vais peut-être moi-même là, parler de jeux nouveaux de temps en temps. Certains. J'ai vu Renegade Ops là, que je trouvais. J'ai vu ça à Reviews on the Run. T'en avais parlé il y a très longtemps. Puis je savais que ça s'en venait aussi. Ça ressemble à Jackal. Un genre de Jackal. Puis écoute, j'ai regardé le preview. Ça avait l'air malade. Là, donc ça serait peut-être mon premier. Crème, pourquoi pas? Je vais me lancer là-dedans. Donc, c'est ça, PlayStation 3, des jeux à venir pour moi. Je voulais revenir aussi vite, on avait parlé lors d'un épisode précédent d'un get-together là, de podcasters là, du Québec, tu sais. Puis c'est bien le fun, le monde, on fait ça, ça va être malade, on fait ça. Il y a un gars de MyGamers, j'ai oublié son nom, ça fait déjà un petit bout, il dit, on travaille déjà là-dessus, puis on va vous revenir. C'était pas Charles, je pense que c'était Charles. Ça se peut, mais je me mets, ils sont une gang, eux autres. Ouais, c'est ça, c'est un méchant de bâche, c'est un peu dur. Nous autres, on est deux, fait que c'est pas deux, c'est d'hommes ou deux. Ça, fait que non, je me rappelle plus c'est lequel. En tout cas, j'ai replayé, mais pas revenu. Je sais que Fun Jouer Jeu aussi veulent faire quelque chose mensuel à chaque mois, comme assez que tout le monde se log ensemble une fois par mois pour jaser. C'est tout cool, là. Mais tu sais, moi, en même temps, ça, j'avais lancé ça dans les airs. J'ai fait aucune démarche. Non, c'est ça. Puis j'ai pas eu le temps. Là. Non, puis il y a des chances aussi en même temps qu'on fasse pas de démarche parce que on est tellement occupé. Ben, on est occupé pas mal, mais. T'sais, ça me tenterait, c'est tough, mais ça peut être juste... cool. T'sais. J'ai aucune idée comment plugger tout le monde ensemble pour qu'on en parle. T'sais. Parce que ce qu'il faut faire pour qu'une affaire de même fonctionne, il faut qu'on utilise les ressources qu'on a à notre disposition, les contacts. S'il y a du monde qui sont capables de brancher le son des affaires, y a-tu du monde qui savent une salle pas chère, y a-tu du monde qui ont des contacts dans le site, faire de la promo sur le web vite, tu sais, c'est comme faudrait dresser une liste de ce qu'il faut faire, comment est-ce qu'on s'organise. C'est même pas obligé d'être la grosse affaire là, tu sais, on peut se louer la salle des Chevaliers de Colomb, brancher des PlayStation puis acheter des 24 puis faire le party, là, aussi simple que ça. On peut bien caler ça comme si c'était un party aussi puis Oui, parce que moi comme c'est là, il y a du sur Twitter, il y a du monde qui m'ont demandé mais là, minute, tu sais, les fans sont-tu invités à cette affaire-là? Oui, ça. Ben, certainement. Tu sais, certainement. S'il n'y avait pas de fans, il n'y aurait pas de podcast. C'est ça, exact. Fait que, tu sais, je me dis, cette affaire-là, ça va virer en gros party au final. Fait que, tu sais, pourquoi pas l'organiser comme un party? Mais bon, garde. Moi, je piche des suppositions comme ça, mais. Ça serait le fun si ça arrive, mais t'sais, pour que les choses se passent, il va falloir que le monde se parle puis le monde s'organise parce que c'est pas une petite affaire. Regarde, moi, tu te souviens, j'ai juste fait un party chez nous avec toutes les consoles. Oh, Puis ça a été de l'organisation, tabarnouche, là, puis c'était juste mes chums, tu sais. Mais ça a été de l'organisation, parce que, tu sais, c'est tout le stock à ramasser, la bouffe, les affaires, les chemins. Mais là, tu fais une deuxième édition, une nouvelle sorte maintenant, qu'on loue un condo à 30 ans, puis on amène tout le stock. Moi, il y a eu deux éditions, j'étais à la première, pas la deuxième, il y a un de mes amis qui se mariait, j'ai pas pu y aller, mais... Exact. Mais ça, c'était bien cool, là, en même temps, ça marche bien, on a du stock rétro, une Wii en bas, du stock en haut, on boit, on dort, on mange, il y a rien qu'on fait pas. Ah non, c'est écœurant. Ça, c'est superbe, là. Mais on va, écoute... On va trouver de quoi à un moment donné. Ouais. Moi, j'avais déjà communiqué avec... en fait, j'avais déjà lancé ça tout seul, là même, sur mon blog, dans les airs. Puis, il y a le gars qui s'occupe, le gérant, je pense, de Spoutnik, à La Prairie. C'est ça, La Prairie? Chambly. C'est à Chambly, oui. Ouais. Il avait dit, ah ouais, fine, tu sais, ça m'intéresse, puis tout, ça serait bon pour mes boutiques, tout ça. On s'est parlé une fois au téléphone, j'ai réécrit un courriel, puis ça n'a jamais donné une suite. Donc, ça n'a pas marché. Ouais. Le gars qui organisait le Geekfest aussi, c'est terminé, ça, le Geekfest. Ouais, moi, j'avais dit, wow, tu sais, c'est dommage, dommage. J'ai communiqué avec lui, tu sais, puis lui est bien willing de nous donner, là, tous les trucs, là, puis les conseils nécessaires à essayer de faire un événement. Mm-hmm. Donc, ça serait même pas si compliqué que ça, en fait, là. Non, c'est ça, c'est juste que c'est de l'organisation, puis il faut qu'il y ait une personne, comme de fait, qui prend tout ça sur ses épaules, puis qui est aidée par toutes les ressources qu'il y a autour. Fait que, voyons voir ça va être qui, si ça va arriver, quand ça va arriver, mais parlons-en, puis on verra bien. On verra bien. Exact. Yes. Donc, OK, moi, je vais partir avec un petit jeu bien simple. Je voulais en faire un autre que je pensais qui était simple, qui finalement, il est compliqué pas, mal plus, pas mal plus vaste que je pensais, puis que je vais revenir dessus une autre fois. Je vous dis pas c'est quoi. Donc, je vais prendre ça relax, prendre une petite gorgée de bière. Un jeu de Atari 2600. Ouais. Revenir un peu avec un jeu d'Atari. Puis, c'est drôle, hein, parce qu'hier, j'étais avec... j'étais allé voir un show de Primus avec Sébastien. Ça a l'air que c'était notre pourri. Ami en commun. Ouais. Ben, ça dépend. En tout cas, lui, là, c'était pas assez hard pour lui, en tout cas. Notre ami en commun qui fait qu'on se connaît aujourd'hui, finalement. Yes. Puis, est ton co-fondateur du Boulevard Brutal. Sur le black... Mais, ben, pas le black, le métal en général. Le métal. Donc, hein? Oui, c'est ça, lui, il me disait, quand on fait... Quand je fais une critique d'Atari, tu sais, il dit, moi, là, va pas jouer à ton jeu d'Atari, là, tu sais, là, je suis comme, ah, ouais, c'est vrai, tu sais, le monde, ils iront pas jouer au jeu d'Atari. Mais c'est pas grave, parce que... Il va en avoir. Il y en a, oui, il y a un gars, présentement, qui parle d'émulateur, là, sur Facebook, il lâche pas la patate, pas en tout, là, il est là-dedans. On veut pogner le gars qui veut jouer à ça, là, moi, non, ben, il y en a, ben, il y en a juste que ça intéresse aussi l'historique en arrière de ça, là... Mais Phoenix, il n'y en a pas beaucoup, par exemple, d'historiques. Je l'avais, ce jeu-là. Tu l'avais, hein? Ben, moi, je pensais que c'était rare, ce jeu-là, mais finalement, non, c'est un jeu qui a été assez commun. Oui. Ça a été développé par Amstar Electronics, qui était une compagnie à Phoenix, en Arizona. Oh! Donc, ils ont vraiment trouvé le nom. Chapeau! Ouais, ouais. C'est comme si on faisait un jeu ici, on appelait ça Québec. Ouais, hein? C'est ça. Ça serait malade. Donc, c'est sorti en 1980 à l'arcade, puis c'est sorti en port sur le 2600 en 1982. Ouais. Puis, ça doit avoir été porté, ça, à tour de bras, là, ouais, de plusieurs façons. Certain, là. Donc, c'est un jeu à la Space Invaders, là, totalement. Ouais. Tu sais, t'es un petit shooter en bas, puis t'as des Phoenix maintenant en haut qui t'attaquent. Donc, t'as quatre niveaux, et puis t'as un cinquième niveau, c'est un boss. Puis ça, là, c'était le gros feature de Phoenix, en fait. C'était un des... Moi, il y avait probablement pas de boss le premier jeu qui a eu un boss, tu sais. Ouais. Donc, ça, c'était quand même spécial. C'était un gros hit à l'arcade, là, pour ça. Donc, c'est ça. Ben, je vais expliquer un peu les niveaux. C'est pas compliqué. Les deux premiers stages, t'as des petits Phoenix qui font juste shooter On dirait juste des chandails de hockey, on dirait des... oui, on dirait des petits jerseys qui battent de l'aile. Ouais. Ouais, ils sont pas bien beaux, ceux-là. Ça, là. On sait pas des Flyers, je sais pas trop, mais c'est... les Kings, peut-être parce que c'est mauve. Mais c'est ça, dans le fond, ils sont en haut, puis ils shootent des balles en bas, tu sais, puis ils sont dans une certaine formation. Mais ils descendent pas jusqu'en bas, ceux-là. Fait que, puis le deuxième niveau, c'est la même sorte de Phoenix, sauf qu'eux autres, ils ont une genre de formation en V. Ce qui, c'est la seule affaire qui diffère. Mais c'est très, écoute, En même temps, ça les désavantage tellement. Là, ils sont c'était en V, puis là, tu chauffes, puis tac, tac, tac, tu descends un par un. Ça fait que le, ce niveau-là est très, très, très facile. Mais là, ça change au niveau 3, parce que les phénix, c'est comme des vrais gros phénix, tu sais, des gros oiseaux qui battent des ailes puis qui ont des pattes. Puis la musique change aussi. T'as, t'as une musique pour les deux premiers stages, une autre musique pour les deux autres stages, puis une autre musique pour les boss. Donc là, les phénix sont un peu fous, là. Ils volent un peu partout, puis il y en a même qui sont kamikazes là-dedans, qui se jettent sur toi. Colin. Puis c'est ça, ils chauffent des balles eux autres avec, là, mais ils sont vraiment plus, ils sont super rapides. Okay. Puis ce qui est cool, c'est que tu peux les shooter dans les ailes. Mais en même temps, ça change rien, tu sais. C'est pas parce que tu shootes les deux ailes qu'il va être moins bon, là. Il va juste comme continuer à voler très vite, mais ses ailes vont repousser. Donc, ça, c'est cool. En même temps, le phénix, il renaît pas, mais au moins, ses ailes, ils repoussent. Ça garde un certain élément du phénix. Là. J'avoue. Mais ça, donc, ça donne rien de péter des ailes, à part que ça te donne plus de points. T'sais. Mais les phénix sont vraiment beaux à ce niveau-là. Ah, c'est ça, je cherchais la musique. Ah, la musique assez hypnotique, là, on s'entend. Ah, c'est hypnotique, en effet. Hein? À quel boss ça change-tu? Ouais, attends, mais... Bon, prochain, ça, prochain stage... Ça, c'est la musique des gros phénix. Bon, là, t'es mort. Non, là, t'es mort. Après, c'est le boss, après lui. Là. Hey, ça peut devenir... Ah, ça l'est. Ça peut devenir fatigant assez rapidement. Ben, ça le devient un peu parce que les stages sont pas longs, tu sais. Les phénix, les descendent assez rapidement. Fait que tu fais en... Tiens, le boss, maintenant, le bruit. On a de la misère à entendre, là, parce qu'on shoot, on shoot. Aïe. Mais ça se fait très vite, en fait, là. Les cinq niveaux, y compris le boss, t'es fait rapidement, là. Une minute. Mais y a rien. Une fois que t'as fini le boss, ça recommence. Ça recommence au début, puis c'est. Écoute, c'est pas mal la même affaire. C'est même pas plus difficile. Peut-être faut que tu recommences, là, 20 fois au début, là. Faut que tu fasses la boucle 20 fois pour que ça vienne vraiment, vraiment difficile. OK. Mais c'est ça. Mais c'est correct parce que justement, je sais pas, moi, j'aime ça recommencer tout le temps. C'est ça, ça vient que t'aimes ça recommencer. Mais il est hypnotisant justement ce jeu-là. Ah ouais, hein, mais. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, mais moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je jouais à. Mes jeux, c'était Defender. Ouais. Pis ça. Mm. Parce que Phoenix, j'ai joué vraiment beaucoup, là. Pis c'était. Ce qui était malade, c'est que j'avais tout le temps l'impression. Dans ce temps-là, je savais même pas c'était quoi l'intelligence artificielle. Ouais. Mais j'avais tout le temps l'impression que les phénix et que les ennemis, ils venaient vers mon vaisseau. Ouais. Alors que tu vois que c'est, tu vois maintenant quand ben, tu les regardes, gros c'est phénix... visiblement pas le cas. Non, non, c'est ça. Mais ça s'en va n'importe les gros phénix, en même temps, ils ont un pattern de vol qui est difficile à catcher. Ouais. À mesure que tu en tues, on dirait que le pattern change. Ils se mettent à aller plus bas, plus haut, puis à un moment donné, celui en là, tu vois, ça descend. Là, ouais. Ils font pas ça quand ils sont plus, tu sais. Donc, la façon que c'est programmé, t'as comme l'impression que c'est pas si répétitif que ça. Donc, c'est pour ça que t'as tout le temps le goût de recommencer. Ouais, c'est ça. C'est pas si tant toujours la même affaire, là. Donc, puis le boss à la fin, ben ça, c'est pas compliqué. C'est une espèce de gros... c'est comme une grosse soucoupe. Là. C'est deux bols de soupe ensemble. C'est ça. Il descend tranquillement vers toi. Ça il descend comme tout droit. Ouais. Il descend, puis il te chauffe des balles. Toi, il faut que tu brises un peu son shield. Puis après, il y a un alien en plein milieu qui le conduit, le vaisseau. Donc, un coup que le shield est brisé, tu chautes au travers, puis ça tue l'alien. Mais c'est pas très difficile. Mais ce qui aide là-dedans, puis ce qui peut nuire aussi, je vais l'expliquer tantôt, c'est quand même assez innovateur. T'as un shield. Okay. Pendant que tu joues, puis tu shootes, tu peux peser par en bas, puis là, t'as comme un shield qui apparaît autour de toi. Ça, avec, c'est très nouveau pour ce type de power-up. Il n'y en avait pas tant que ça. Il n'y en avait aucun. Fait que des shields, de même, c'est cool. Tu peux shooter pendant que t'es dans ton shield, mais tu peux pas te déplacer. Okay. Fait que ça, c'est chiant en même temps parce que ton shield, il dure une seconde et demie. Ça me rappelle Heroes Revenge. Oui, mais là, t'es paralysé en dessous de ton shield. C'est ça le problème. Puis tu te fais tellement comme shooter pendant que t'es protégé, mettons par le boss, que de la minute que ton shield arrête, paf, tu te fais tuer tout de suite, tu sais, parce que tu peux pas bouger pendant que tu te protèges. Okay. C'est vraiment chiant, là. C'est en même temps, ça sert pas à grand chose. Vraiment, quand tu vois que tu vas mourir, c'est là que tu prends ton shield, là, puis c'est vraiment un réflexe, là. Faut que tu penses à le prendre, puis. Mais sinon, c'est en même temps pas très utile parce que tu restes jamais. Là. Mais bon. Mais c'est quand même, c'est un beau feature. Ouais. Les shields, t'en as un par vie. Ou un par tableau. OK. Donc, tu peux le prendre là, à la fin quand il reste un phénix. Comme ça, ça peut aider. Là, ou s'il y en a un qui se jette sur toi. Donc, c'est ça, en gros. C'est quand même un jeu c'est un fort jeu sympathique. Fort sympathique. Super simple, mais vraiment le fun. Là. Ça, moi, je Je trouve aussi que, je sais pas, je trouve aussi que graphiquement, les ennemis, il y avait de quoi différent. C'est quand il y a comme un dégradé dedans, ouais, mais c'est ouais, pas vraiment. Les gros phénix, ils sont bien garnis en texture, si je peux dire, en pixels. Pour ce temps-là, tu sais. Pour ce temps-là, on parlait de Dead Island tantôt, là, vous allez peut-être faire le saut quand vous allez jouer à Phoenix. Ouais. Là, mais, c'est un jeu d'Atari, mais pour un jeu d'Atari, il est très bien. Hein? Puis, il est pas cher, il est très facilement trouvable. Okay. Moi, je trouve que même j'aime mieux jouer à ça qu'à Space Invaders. T'sais, Space Invaders, moi, j'aime pas ça tant que ça, jouer à ça. Là, okay. ça me stresse. Les bébites vont vite, là, tout. Mais Phoenix, je sais pas, je trouvais ça différent. C'est cool. Varié. C'est pas cher, c'est très commun. Si vous passez dessus, si vous voyez ça quelque part, achetez-le. C'est vraiment c'est un prix de jeu d'Atari normal, 3$. Donc, un autre bon petit jeu de 2600. Mais tu sais, on regardait des extraits sur YouTube, tu sais, puis d'un commentaire, c'est souvent ce qui revient, tu sais, le monde dit que c'est un des meilleurs jeux du 2600 que pratiquement personne n'a l'air de connaître. Pourtant, il y a beaucoup de monde qui l'ont eu, ce jeu-là. Ouais, Moi, je me souviens, c'est un des premiers jeux que j'ai eu. Là. J'avais eu ça, puis j'avais eu Star Wars, évidemment. Là. Ah ouais, Star Wars. Hein. Star Wars, c'était inévitable. Et E.T., mais E.T., bon. Ouais, Pac-Man, bon, tous ces jeux-là. Bon. J'en parlerai un moment donné. Mais puis la pochette est badass au max, là, des paquets. Phoenix, qui crash dessus, là, c'est la mort, il y a un temple des phoenix en arrière, mais il n'y a aucun temple de phoenix dans le jeu, par exemple. Là. Peut-être sur l'arcade, là, j'ai pas joué à l'arcade, j'ai pas vu. Ah, ben oui! Il y a des lunes, mon gars, il y a du stock. Carrément. Les phoenix, ils t'envoient des balles de feu, là, c'est très, très beau. Ils donnaient ces illustrations de Atari. Là. Moi, je rêve d'avoir une chambre tapissée de cover d'Atari, Moon Patrol, Vanguard, Phoenix, tu sais. Même à Jungle Hunt, là, c'était bien sympathique. Ah, sont écœurants. Sont super belles. Là. C'est vraiment beau. Là. Mm. Mais, ouais, un jour. Un jour. Donc, procurez-vous ça si vous avez un 2600. Phoenix, pas cher, excellent. Je vais vous parler de l'extension. On n'a jamais fait ça à Rétro Nouveau. Je vais vous en parler aujourd'hui. J'avais fait la critique de Dead Nation sur. Il est exclusif au PlayStation. C'est un jeu qu'on peut retrouver sur le PlayStation Network où. Regardons ça, sans le vouloir, c'est comme un spécial zombie aujourd'hui. Je parle d'un autre jeu de zombie. c'est un jeu de zombie, à vrai dire, c'est un jeu, on dit en anglais, un twin stick shooter. Okay. C'est-à-dire qu'on utilise les deux joysticks, il y en a un qui est fait pour le mouvement, l'autre est fait pour le tir. Hey, ça, c'est comme un peu à Smash TV, non? C'est pareil, c'est la même affaire. Smash TV. C'est ça, mais ça ressemble. J'ai jamais vu ce jeu-là, mais on dirait un peu la même affaire. Là. C'est dessus. Ça me fait vraiment penser à Smash TV. Ah ouais, vraiment. Smash TV, ou c'était Total Carnage, l'autre, je pense. Mais bref, c'est le même genre de jeu. Puis là-dedans, on a une vue, justement, vue de haut. Puis il y a des zombies qui vont se ruer vers nous. Les personnages sont quand même assez petits à l'écran, mais très puissants, très difficiles. C'est un jeu graphiquement qui est hallucinant. C'est vraiment superbe là, comme genre de jeu. L'ambiance est écœurante. Puis en plus de ça, l'éclairage est vraiment réussi. Bref. Ça, c'était pour Dead Nation, le jeu principal que je vous conseille fortement de vous acheter. C'est vraiment un des meilleurs jeux du network, surtout en co-op, qu'on peut jouer en co-op autant local que en co-op. Hein? C'est super la fun. Ouais. Bref, ils ont sorti une extension pour ça qui s'appelle Road of Devastation. Moi, je me disais, bon, ben parce que dans Dead Nation, il y a une campagne. Qu'on peut suivre. Donc, on a vraiment une histoire, on a vraiment des tableaux précis à passer. Puis, dans Road of Devastation, c'est plus une arène, finalement. OK. On va commencer le jeu où on va décider, on va être comme dans une espèce de petite zone fermée, comme si on était examiné, observé. On commence dans cette zone-là, on va acheter certaines armes, on va avoir plusieurs balles à acheter, on va se remettre à niveau, puis après ça, on va sortir de là, puis on va décider de choisir une avenue. On a un choix de trois avenues, il y en a une qui nous donne plus comme récompense des armes, il y en a une autre qui va nous donner un petit peu plus de l'énergie, puis il y en a une autre qui va nous donner un peu plus des points argent, tout ça. Fait qu'on va dans ces trois niveaux-là, puisque c'est trois niveaux qui se ressemblent pas tant que ça. Il y en a un que c'est beaucoup plus rempli d'eau. Il y en a un autre qui est rempli de plantes. Puis il y en a un autre que c'est tout simplement... Je me demandais qu'est-ce que c'était. rempli de plantes. Des plantes. Fait que, non, c'est ça. Fait que, c'est intéressant, mais c'est rien. C'est pas vraiment quelque chose qu'on n'a pas vu déjà dans Dead Nation. Tu sais, si on joue au jeu principal, c'est sûr qu'il y a des nouveaux ennemis dans celui-là, mais on ne le remarque pas tant que ça. Il y a des nouvelles armes. Il y a une arme, entre autres, qui te permet de tirer puis avoir une espèce de petite tourelle qui va tirer sur les ennemis. Pas mal cool. Sauf que, encore là, ce qui est plate, c'est que c'est rien de vraiment très nouveau. Là. C'est un jeu qui peut être le fun en co-op parce que c'est un jeu de survie. Puis, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'on a terminé, une étape, admettons, on est passé par le chemin où il y avait des arbres, des plantes partout. Ouais. Ben, une fois qu'on a terminé ça, on va rentrer dans l'espèce de grosse chambre forte où on va aller par terre puis on va fesser sur le plancher, on va faire comme non, non, non. Le gars, je sais pas pourquoi il capote, il est vraiment depressed. Ben, en même temps, je le comprends un peu, là. Il est tout seul comme ouais, 400 ans. Il est écœuré. Mais dans le jeu principal, il était pas aussi déprimé que ça. Fait que, tu sais, j'aurais pas appelé ça Road of Devastation, j'aurais appelé ça Road of Depression. Oh. Parce que le gars, il a l'air vraiment dépressif, il est vraiment écœuré. Ouais. Mais je comprends pourquoi il est écœuré, c'est parce qu'il faut que tu recommences sans arrêt. Okay. C'est vraiment là. Ah, c'est ça, dans le fond. Oui, c'est ça. Un c'est peu comme dans Blair Witch Project. Là, ils sont perdus. Ouais. Puis à un moment donné, ah, oh, shit, ça fait 4 jours qu'on marche, on est revenu au point de départ. Ils sont écœurés. Mais c'est ça, faut tout le temps que tu recommences. Donc, c'est vague après vague après vague après vague. Fait que laisse-moi te dire que une fois que tu as fait le tableau, une fois, tu te connais très bien. Mais pourquoi tu n'as pas nécessairement besoin de le refaire? Ben, c'est le trip des arènes. Il y en a qui trippent là-dessus, admettons. OK, là, tu as une première vague de 20 ennemis. OK, tu as une nouvelle vague de 40 ennemis. OK, tu as une nouvelle vague de 100 ennemis. Mm-hmm. Mais tu fais tout le temps la même affaire jusqu'à temps que tu te tannes. Mais dans celle-là, je me suis tanné quand même assez rapidement. En coop, on se tanne un peu moins vite. Mais je trouvais ça plate que ça soit pas une extension de la campagne principale parce que la campagne avait vraiment de quoi offrir de plus. Puis j'aurais aimé ça que ça s'attache à ça, comme que ça soit des nouveaux tableaux tout simplement, des nouveaux mondes. J'aurais mieux aimé qu'on me donne un gros tableau puissant que trois petits tableaux où on peut passer. Ouais. Il y a des petits bouts intéressants. À un moment donné, il y a une espèce de tapis roulant qui va à deux directions avec des scies de chaque côté, des grosses roues mécaniques de chaque côté. Okay. Puis on peut activer ça, puis les zombies vont aller se planter dans les scies. C'est super cool. Il y a aussi un bout où on va pouvoir activer de l'électricité, puis on va pouvoir électrocuter une étendue d'eau. C'est super le fun. Il y a vraiment des trucs cool, mais en même temps, t'sais, faut pas s'attendre à grand-chose. C'est, j'aurais dû dire en partant, mais bon, ça aurait volé le punch, c'est 3,99. Ah, c'est ça que j'allais te demander, justement. Fait que c'est ça, c'est pas cher. Fait que j'ai l'impression que le prix aussi a été un peu décidé en fonction de ça. Ouais. En fait, comme, ouais, c'est pas pire, mais c'est quand même pas écœurant ce qu'on lui donne, tu sais. Mais à ce prix-là, c'est pas si pire, pareil. À ce prix-là, c'est correct, tu sais, si t'en veux plus, tu sais. Mettons, on joue samedi soir, là. Ouais. C'est ça. Mais c'est, ce prix-là, c'est ça. Moi, je dis, achetez ça si vous avez des chums, tu sais. Ouais, si vous êtes seul puis vous voulez jouer au jeu encore, refaites la campagne avec la fille ou, tu sais, faites-la avec un autre personnage parce que ça, c'est pas, tu sais, c'est du nouveau contenu, mais du contenu vraiment orienté co-op. Donc, c'est ça, un 3,99$ quasi bien investi. C'est pas pire, mais moi, ça m'a pas fait triper vu que de ce temps-là, mon autre chum de gars qui est tout le temps avec moi, c'est mon fils, puis il y a rien qu'une couple de jours, fait que il joue pas à grand-chose, surtout pas un jeu de zombie. Non. Fait que c'est ça. Donc, c'est là-dessus, je vais arrêter ça, là. Alors, mon cher Bruno, yes. Rétro nouveau, un jeu rétro nouveau cette semaine. Ben oui. Qui m'a été totalement imposé. Oui, on fait ça, on va le faire. Là. Ah ouais, j'avais hâte. J'avais hâte. Moi, j'avais jamais joué dans le fond. Ça s'appelle A Boy and His Blob. Ouais, j'avais l'original, moi. Moi, je connaissais ça, ce jeu-là, de nom, puis de screenshot, disons. Mais puis j'avais vu aussi qu'il en avait fait une version Wii. Donc, moi, je vais parler de la version NES, puis toi, tu vas parler de la version Wii tantôt. Puis je suis content qu'on fasse un jeu de Wii aussi, on n'a pas fait encore. Faut en faire. Ben, faut en faire, puis c'est parce que, tu sais, quand on a l'occasion, je veux dire, moi, qu'il soit sur n'importe quelle console, on va le faire. Donc, voilà, ça s'appelle A Boy and His Blob, Trouble in Blobolonia. Voilà. C'est, ça a été fait en 1989 par une compagnie qui s'appelle Absolute. Oui. Puis, connais-tu ça, Absolute? Non. Ça ne dit rien par tout. Sur le cover de la cassette NES, c'est écrit David Crane, A Boy and His Blob. Ouais, ouais. Ben, David Crane. Mais lui, c'était un comic book, A Boy and His Blob. Non, David Crane, mon gars, je vais te faire son historique. Ah, travaillait chez Atari. OK. Puis, j'avais déjà parlé sur mon blog la chute d'Atari, puis pourquoi oui, est-ce que Atari est mort, là, finalement. C'est vrai. Donc, Atari, la compagnie, a été rachetée un moment donné par une plus grosse compagnie. Puis là, ils ont mis en place des gens qui ne savaient pas comment gérer des employés convenablement, là, finalement. Okay. Donc, ils les traitaient comme la marde, comme on dit. Puis, tous les bons programmeurs ont tous sacré leur camp, tu sais. Puis là, c'est pour ça qu'Atari se sont mis à faire rien que de la dompe. Okay. Ils se sont mis à juste faire des ports d'arcade cheap comme Pac-Man, God, puis se sont crashés avec ça. Or, ce David Crane-là faisait partie des bons programmeurs d'Atari qui a décidé de claquer à la porte parce qu'il était plus dans... il était maltraité, tu sais. Okay. Puis il avait du talent. Donc, il a cofondé Activision. Oh, Colin, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Il a cofondé Activision avec un autre dude que j'ai oublié son nom, qui est parti d'Atari aussi. Un dude, là. Ils sont plusieurs, en fait, là, qui se sont regroupés pour faire Activision. Plusieurs dudes. Puis Activision, eux autres, ils avaient la vision, justement, de faire des jeux originaux. Ouais. Puis ça a marché au max, là, même que ça a gardé Atari en vie pendant un bout de temps. Pitfall. C'est lui qui a inventé Pitfall. Bon. Donc, tu vois, c'est pas n'importe qui. Il a inventé Pitfall 2. Fait que David Crane, c'est quelqu'un, là, quand même. Fait que Ridé Activision jusqu'en 86, pardon. Puis après ça, c'était rendu quand même assez gros, Activision. Il y a un autre CEO qui est rentré en place. Puis le CEO, il avait une vision... il voyait pas les jeux vidéo comme une passion ou une œuvre d'art. Il voyait ça un peu comme vraiment de l'argent, puis une technicalité, là. Il y avait pas... C'était pas un gars un tripeux de jeux vidéo, finalement. Ouais, c'est ça. T'sais, ça fait penser à Gary Bettman dans NHL, par exemple. Le gars, il vient du monde du basketball, mais il gère la ligue de hockey. Ouais, ça n'a pas de sens, là. Donc, ça marchait pas. Lui, il trouvait plus que ça marchait, David. Il était pas content. Fait que il a sacré son camp. Il a tout laissé ça là. Puis c'est là qu'il a parti Absolute. Okay. Puis sur Absolute, il a fait quand même pas mal de jeux, mais ça n'a pas été aussi hot là, que tout ce qu'il avait fait auparavant. Puis son plus gros jeu, c'est A Boy and His Blob qu'il a fait pour NES. Puis moi, j'avais joué à Skateboarding sur le 2600 qui était fait par Absolute. T'avais-tu déjà joué à ça? Oui, totalement. J'avais trouvé ça correct, là, mais tu sais, il se passait pas grand-chose non plus. Donc, mais malheureusement aussi, Absolute a fait banqueroute en 1995, à ce que j'ai lu. Ouais. Donc, j'y reviendrai pour ta version de Blob. Là. Donc, c'est ça. Donc, et le jeu? Le jeu, oui, je voulais faire. Je voulais parler d'historique en arrière, je trouvais ça intéressant. Ah non, c'est super intéressant. C'est pas compliqué, il y a un extraterrestre qui vit sur la planète de Blobolionia. La même planète que le Bologne vient, finalement. Puis il y a un méchant empereur qui a pris possession de la place, puis ça va bien, bien mal. Okay. Puis il faut que tout le monde se nourrisse avec des bonbons. Puis du sucre, puis là... Avec des jelly beans, hein? Ouais, c'est ça. C'est pour ça, là, il descend sur la Terre, lui, là, puis il va chercher de l'aide. Il va pas chez... voir le président américain, tu sais. Il va pas voir un lutteur professionnel. Il va voir un petit garçon. Puis le petit garçon, il est même pas nommé. Donc, dans le fond, le petit garçon, c'est pas compliqué. C'est tellement ridicule, pareil. Non, mais en même temps, c'est un concept super cute. Il va voir un petit gars, à place. N'importe qui, tu sais. C'est vraiment gars, sauve le monde. Ouais. Donc, le blob, lui, ce qu'il fait, le petit gars, il nourrit le blob au jelly bean. Puis, ces jelly beans-là, là, j'en ai pogné une 13, puis il y en a, t'en débloques d'autres dans le jeu. Puis, ton blob, il te suit partout. C'est comme une poche de patates blanches qui te suit tout le long, là, tu sais. Puis, c'est vraiment pas compliqué, là. Tout ce que tu fais, dans le fond, tu marches, puis t'as des obstacles. Faut que t'ailles, tu sais pas trop où. Donc là, tu le nourris avec des jelly beans pour qu'il fasse des affaires. C'est ça. Puis, mettons, tu lui donnes un jelly bean cola, ben là, il va devenir une bulle. Donc là, tu peux rentrer dans la bulle puis aller dans l'eau, tu sais. Puis là, tu sais plus où aller, faudrait que tu passes à travers le plancher, tu lui donnes un jelly bean au punch, puis là, ça devient un trou dans le plancher, là, whoop, tu passes dans le plancher puis tu te ramasses au niveau d'en dessous. Donc, c'est réussir à se démerder un peu pour aller ramasser des trésors. Qui vont nous être utiles, les trésors, pour acheter des vitamines. Puis ça a l'air que c'est les vitamines qui vont tuer le méchant empereur sur sa planète. Donc, on ramasse les trésors pour avoir de l'argent pour ça. Donc, moi, j'ai trouvé ça un peu compliqué au sens que je savais fuck all où aller. Là. Là, tu commences, là, t'es à côté de la porte de ta maison, puis t'avances. Là, ok. Les contrôles, c'est rien. T'as A, puis B, tu sais, B, c'est pour lancer un jelly bean à ton blob, puis A, c'est pour. A, c'est pour lancer un jelly bean, B, c'est pour siffler, pour le ramener, pour qu'il reste proche de toi, là, finalement. Puis ta sélection de jelly bean se fait en pesant sur Select. T'sais. Mais là, t'en as 13. Fait que là, t'es comme, OK, là, ça me prendrait un jelly bean, root beer, là, tu sais. Fait que là, Select. Ah, shit, j'ai passé par-dessus. Ah, faut que tu fasses full circle. Select. 13 jelly beans, tu sais. C'est vraiment chiant, ça. Ça m'a écœuré. Hey, puis c'est même pas 5, tu sais, ces jelly beans-là, parce qu'ils ont. Ils ont tout un nom de fruit, tu sais. Mais il faut que tu prennes en note qu'est-ce qui fait quoi, tu sais. À moins de t'en souvenir. Tu sais pas qu'est-ce qui fait quoi quand tu commences. Fait que moi, je les ai toutes notées. Puis quand je jouais, j'avais mon pad sur moi, puis j'avais pas le choix. Là. OK. Il y en a quelques-uns que j'ai relaté que ça marche quand même un peu avec ce qu'ils font. Comme cola, il fait une bulle, tu sais. Bobo et cola. Donc ça, ça marche. Cinnamon, donc c'est. Cinnamon, c'est quoi, là? C'est la cannelle. La cannelle, c'est comme fort, ça. Ben, ça il devient une torche, tu sais, qui fait du feu. Apple, il devient un jack. Apple Jack. Oh, un Jack, là, un crinque pour lever les chars. T'sais. Vanilla devient Umbrella. Ça sonne pareil. Punch devient Hole, un Punch Hole. Donc ça, ça marche un peu. Mais pour les autres, tu sais. T'as aucun moyen de t'en souvenir. Strawberry, autres, ça vient un pont. Là, je suis comme, y a-tu une toune des Beatles que j'ai pas assez écouté, que je comprends pas, en tout cas. Fait que ça, là, c'est chiant. Là. Ouais. S'ils pouvaient mettre à côté un petit peu ce que ça fait, tu sais. Ben, c'est sûr qu'à force de jouer. Puis parce que tu finis par t'en souvenir, mais quand même. Mais faut que tu joues pas mal, justement. Parce que moi, je me souviens, quand j'étais jeune, je me souviens de ça. J'avais le Nintendo Power, puis il y avait un guide dans le Nintendo Power, puis t'avais tout ce que les Jelly Beans faisaient, tu sais. Fait que j'avais tout le temps cette page-là d'ouverte. Puis jouer au jeu en même temps, parce que sinon c'était impossible, tu sais. Ben c'est chiant, moi j'ai trouvé ça très chiant pour ça. Très chiant. Ça m'a hyper ralenti au début, là. Puis je te le dis, j'ai. C'est ça parce j'avais presque pas joué. Toi, c'est ça, t'as découvert ce jeu-là maintenant. Out of nowhere, moi j'ai découvert ça quand j'avais 7 ans, fait que ça a tout changé, là. Ah ben c'est clair que dans ce temps-là, peut-être le monde était plus patient, puis t'acceptes tout, là, effectivement. Mais tu sais, moi, je viens de m'acheter un PlayStation 3, puis là, bon, quand je joue à ça, tu sais. Joue à ça, de vrai. Non, mais. On a besoin de voir ça. Non, mais le concept est super cute et super intéressant, en fait. Puis ce jeu-là, il a été bien populaire pour ça parce que c'est une foutue de bonne idée. T'sais. C'est juste un peu mal réalisé. Ça ralentit énormément l'action d'être obligé de sélectionner tes jelly beans. Des fois, t'es mal placé. Fait que là, ton jelly bean, tu le lances trop loin. Ah, puis là, des fois, ton blob, il tombe dans un trou. Puis là, t'es. Ah, il tombe dans le trou. Là, tu sais, viens-t'en. Puis tu sais, là, il est loin. Fait que c'est là, ça, faut que tu le saches. C'est long. Des fois, tu cours, t'as des tableaux vides. Okay. Tu sais, comme c'est vide. Là, finalement, hop, t'arrives, t'as un gap que tu sautes en bas. Pourquoi tu remplis tout de tableaux vides? T'sais, ça m'emmène encore plus. T'sais. Ça ralentit encore plus la patente. Là. Ça m'a vraiment. J'ai pas aimé ça pendant tout. Puis, mais les animations sont belles. Le personnage bouge bien. Le blob, il bouge bien. Mais le personnage, il glisse. T'sais, quand tu cours, il slide. Ouais. Puis des fois, tu tombes dans des obstacles, des monstres. Là, puis ça dessus, là, c'est vraiment chiant. Parce que c'est ça, les façons de mourir, tu drops de haut, tu t'écrases. Tu te noies dans l'eau, les bébites te tuent. Parce que c'est pas mal ça, là, en gros. T'es pas attaqué, là. C'était plutôt t'essayes de trouver quoi faire. Puis mais t'essayes bébites, trop de trouver quoi faire. Ouais, c'est ça. Ça manquait d'orientation. Ça, tu sais pas. T'as pas le choix de prendre des notes en jouant à ça, tu sais, ou de mémoriser, puis de recommencer, tu sais. Mais, non, ça m'a. J'ai pas aimé ça. Non, c'est ça. Faut que tu cherches qu'est-ce qu'il faut que tu fasses tout le long, là. Ouais. Donc, c'est ça. Mais ce qui m'a bien gros frappé aussi en jouant à ça, avant même que je lise l'historique de ce jeu-là, parce qu'au début, tu commences dans une station de métro, là, tu mets des trous, tu descends dans la terre. Oui. Là, t'as de l'eau, t'es dans la terre, c'est très caverneux. Je me suis dit, mais ça ressemble donc bien à Pitfall 2, ça. C'est comme dans la terre, tu sais. Même le bonhomme, comment il saute, un peu, c'est. Puis aujourd'hui, tu sais, avant de venir ici, dans le fond, j'ai comme checké un peu plus historique, puis là, je me rends compte, David Crane, il a fait Pitfall 2. Ben, c'est clair, là, il a peut-être même développé les deux un peu en même temps. Je sais pas où on était l'Atari dans le temps de Pitfall 2, quand même, à la fin, puis ça, c'était. Mais lui, c'était peut-être son jeu de rêve. Là, ce jeu qu'il voulait développer depuis un bout, c'est du crime. M'a pogné un vieux qui engage un petit jeune avec un bout de blanc, blobeux. Non, mais c'est correct, là. C'est réussi en même temps. T'sais, là, je chiale, mais c'est parce que, écoute, j'ai réussi à trouver un peu quoi faire, là, très tard, là, dans ma critique, là. T'sais, j'étais sur le bord d'abandonner. Je me suis dit, là, une dernière shot. Parce qu'un coup, j'étais en bas dans le fond de la cage, je savais pas comment remonter, t'sais. Mais là, quand tu prends la jelly bean qui te fait une trampoline, puis quand tu pèses par en haut, il te fait jumper plus haut. Puis plus haut, puis plus haut. Ben, je savais pas, moi, ça, tu sais. En même temps, c'est ça le problème. Tu sais, j'ai pas de livret d'instruction, tu sais. Fait qu'il y a personne qui me le dit. Je pouvais pas le savoir, tu sais. J'étais un peu badlocké pour ça, là. Mais non, quand même. Moi, j'ai trouvé c'est très original, puis c'est super cool. Mais c'est pas... C'est lent, ça, ouais, c'est dérangeant, puis tu sais pas où aller. Puis j'ai réussi à retourner sur la planète du blob, tu sais, pour aller faire whatever. En même temps, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi j'y vais. Je me suis dit, j'ai ramassé assez de trésors. Tu reviens devant ta maison, tu prends le jelly bean qui fait une fusée, t'embarques sa fusée, puis là, il voyage. Là, encore une fois, je sais pas pourquoi, des screens vides, enfin, à peu près une dizaine. Là, on peut pas se dire que c'était du loading dans ce temps-là, on avait pas vraiment de changement. Fait que là, la planète est toute belle, puis des arbres, tout, puis là, je marche, puis là, il y a comme des cubes qui tombent du ciel tranquillement, puis je suis mort là, tu sais. Puis t'as 3 vies, puis t'as pas de continu. Ça fait que là, je me suis dit, non, ça fait une demi-heure que j'essaie de trouver quoi faire pour ressortir de la maudite caverne, de la maudite métro de marde. Je vais pas recommencer une game pour me rendre jusque-là, pour avoir une vie de plus, pour mourir en glissant sur un bloc qui tombe du ciel, tu sais. Avoir des continus, ça aurait été quand même très agréable. Ouais, ça aurait été bien quand même. Puis, bon, la musique, le jingle, il est funny, tu sais. Ouais, c'est cool. Très, très sympathique, mais il n'y a qu'une musique. Donc, ça devient un petit peu lourd, là, aussi, avec le temps. OK, il t'amène à l'écran de ton blob qui s'en vient. C'est ça. Si le blob, il est 4 écrans plus loin, puis tu le siffles, là, on va voir qu'est-ce qu'il fait 4 écrans. Puis, tu sais, il va redevenir un blob, puis il va revenir, mais il va traverser les écrans. Mais c'est parce que des fois, il est pogné en bas dans un trou. OK. Puis toi, t'es en haut. Puis tu le siffles, il peut pas remonter. S'en venir, là. Fait que, mettons, t'es en haut de 4 écrans. Ouais. Tu lances un jelly bean en bas. Tu vas voir le jelly bean descendre tous les écrans pour tomber sur ton blob. Okay. Lui, il va le manger. Mais il faut quand même qu'il soit vis-à-vis. Là. S'il n'est pas vis-à-vis, ça marche pas. Donc, tu t'envoies un jelly bean qui s'appelle. C'est lequel, ça, là? Le Honey, qui est un hummingbird, un oiseau tête chercheuse, là, je sais pas quoi. Puis il revient vers toi. Fait que ça, c'est pratique. J'ai découvert ça sur le tard aussi parce que là, j'ai rien. Mon blob est en bas, moi je suis en haut, qu'est-ce que je fais? T'sais? J'ai comme jeté un jelly bean dans le trou, puis j'ai vu que ça avait marché. Ça a marché, aïe. Donc, c'est ça. Une solution. Il y a quand même une solution. Alors, ce jeu-là, moi je l'ai pris sur la Virtual Console, payé ça 5$. Donc, Bruno, tu me dois 5$. Non, je suis content de l'avoir là, quand même. C'est un classique. Classique. J'arrête pas de dire que tous les jeux sont des classiques, mais ça, c'est un. Mais pour, c'est vrai pour que l'idée, c'est un classique quand même. Puis il est tellement. Faite par une compagnie, c'est pas un jeu de Konami, là. C'est un gars tout seul qui a pensé à cette idée-là. C'est sorti de sa tête, c'est un coup de génie là, quand même. C'est une très bonne idée. Donc, si vous le voyez, achetez-le, il est pas cher, tout seul, il est 6$. Complet, il est 25$ à peu près dans sa boîte. Là. Mm-hmm. C'est bon. Puis, il y a eu une suite, pas juste à Wii, mais au Game Boy. Ça s'appelait The Rescue of Princess Blobette. Très drôle. Il est un petit peu plus cher. Lui, le jeu tout seul est 10$, puis complet est à peu près 40$. Puis j'ai regardé vite fait des screenshots. Ça a l'air assez tout nu comme graphisme. Ouais. Là. Puis ce jeu-là n'a pas levé bien. Mais vu qu'il est rare, il a quand même une petite valeur. Là. Okay. Donc, écoute, ça a bercé ton enfance encore une fois. Tous les jeux de ton enfance, Elevator Action, à Boy Blob. Je les bâche. Je suis vraiment pas gentil. Là. Non, mais c'est parce qu'aussi. Non, mais quand j'étais jeune, des fois, je regardais la pochette. Je trouvais que le concept était intéressant. Je le pognais. Ouais. A Boy and His Blob, c'est un jeu que j'ai. Moi, je l'ai. C'est un jeu que je l'ai pas acheté, je l'ai loué une couple de fois. Mm-hmm. Puis c'était la première fois qu'il y avait une. Moi, c'est la pochette vraiment, parce que c'était la première fois différent. Qu'il y avait ce genre de pochette. Genre de cartoon. Là, ouais, c'était comme une BD. C'était comme une BD. Ouais. Fait que ça m'a comme attiré un peu. T'sais, même affaire à Comic Zone, j'ai été super attiré par ce jeu-là à cause de la pochette, à cause du concept de la BD. Fait que. Ouais. Bon, c'est sûr que pas de continue, moi j'ai trouvé ça atroce, mais dans le temps, on était prêts à en manger. Ah, dans le temps, on en mangeait de la On n'avait pas de trouble. Les jeux n'étaient pas faciles dans ce temps-là. C'était pas facile, on n'avait pas de chance. Là. Mm. C'est pour ça, les gens qui commencent aujourd'hui, genre des jeux, est-ce que t'as des continues à l'infini, tu meurs jamais, tu peux tout le temps avancer. Non, c'était une autre game dans le temps. C'était complètement. Ça, c'en est un. Hein. Comme, mettons, même Zelda 1, il n'y a aucune direction là-dedans. Ouais. Là, en même temps, là, quand tu es jeune, puis à un moment donné, tu es pris pendant des mois, des fois, là, avant que tu saches quoi faire. Aucun de tes amis est rendu plus loin. Tu n'as aucun indice, tu n'as rien. Là. Ouais. Fait que ce jeu-là, il est un peu de même aussi. Là, à un moment donné, tu sais plus où aller, pas en tout. Là. Fait que tu prends un gaz, mets un trou dans le plancher, tu descends, puis tu meurs, puis tu recommences. Puis tu te dis, OK, ouais, ça marche pas, ça me tue. OK, qu'est-ce que je vais faire? Mais bon, c'était correct quand même. Je suis content de mon expérience, Bruno. Bon, Colin, c'est au moins ça. Mais moi, je vais te parler de la réimagination de Boy and His Blob. Premièrement, je vais te raconter l'histoire parce que même moi, je t'avoue, je m'y étais même pas intéressé à l'histoire. T'es pas un gars d'histoire ben, hein? Je suis pas un gars d'histoire, moi. Jamais que t'es check. Ben, c'est correct, là, chacun ses affaires. Moi, j'aime beaucoup ça. Ça dépend lesquels. Comme, mettons, tu sais, Dead Island, je l'ai regardé, l'histoire. Ah, il y a une histoire, là, ça? Ouais, il y a une histoire. Mais, tu sais, j'aime mieux... Il y a des histoires que je trouve que ça vaut la peine de s'investir et de regarder ce qui se passe. Mais quand c'est les méchants arrivent sur la planète, puis là, il faut sauver telle personne, ou les méchants arrivent sur la planète, puis il faut les empêcher, puis les faire partir, je veux dire, c'est du pareil au même. Fait que, tu sais, tu changes les noms, puis that's it. Là-dedans, dans Boy and His Blob, on va te dire ce qui est écrit littéralement. C'est écrit « Quand le blob s'écrase sur Terre, il trouve un jeune garçon... Il trouve en un jeune garçon un allié inattendu. Ensemble, ils doivent retourner sur la planète asservie du blob et vaincre l'empereur démoniaque. » J'ai lu, moi, aujourd'hui, que c'était exactement la même histoire. J'ai lu que les gens qui ont développé ce jeu-là, ça n'a pas du tout rapport avec le créateur original, mais le gars qui a fait ça, il a adoré à Boy and His Blob. Oui, il y avait un respect. Il y avait un grand respect pour le travail original, puis il voulait que ça soit la même histoire, que ça soit pareil. Mais c'est pareil, mais version améliorée. T'sais. C'est version améliorée, mais c'est ça, c'est. Faut dire direct en partant, là, développeur de ça, c'est WayForward. Ouais. WayForward, là, c'est des développeurs qui trippent sur l'animation frame par frame. Vraiment, là, ils ont fait beaucoup de jeux. Dernièrement, il est sorti Blood Rain Betrayal, qui est fait aussi en partie par eux, si je me trompe pas. Ils ont fait Shantae. J'ai hâte de l'essayer. Ils ont travaillé sur plein de jeux que l'animation est vraiment écœurante. Bref, eux autres, ce qu'ils ont fait avec A Boy and His Blob, ils ont vraiment pris le concept original puis l'ont vraiment amélioré. On commence, on est dans une espèce de petite cabane dans une maison. Premièrement, ce jeu-là éclate de cute. Là. Vous allez le regarder. Il est très beau. Hein? C'est vraiment là, c'est charmant. C'est vraiment beau. Cute. Puis, bref, tu commences dans une espèce de petite maison, t'es endormi, il y a aucune explication nulle part, ils attendent que tu pèses sur un bouton. OK. Puis là, tu pèses sur un bouton, ton petit bonhomme, il se réveille. Après ça, il descend de son lit, il s'en va, il se promène dans la forêt. Puis là, à un moment donné, whoop, on voit Blob qui est arrivé comme une espèce de météorite. Puis là, il ramasse le Blob avec lui, puis il s'en va. Il s'en va dans sa maison une fois de plus. Puis dans sa maison, il y a un pot de jelly bean qui tombe par terre. OK. Puis là, à ce moment-là, il va aller chercher les jelly beans. Puis là, tu vas commencer ta quête tout simplement en allant devant une espèce de carte qu'il y a dans ta maison. Puis sur la carte, il y a tout le plan de la forêt. Puis tu vas pouvoir choisir ta mission. Puis là, tu vas commencer dans une forêt, mais ça va aller plus loin. Tu vas aller dans un autre monde aussi après. Bref, là-dedans, on est avec le blob, puis on se promène de tableau en tableau. Il y a des espèces de bébites noires, ce qui ressemble un peu aux bébites. Ils m'ont fait penser un peu aux bébites noires qui étaient le darkness de... voyons, Colin, de Ico. Ça m'a fait penser un peu au même genre de bébites. Puis, là-dedans, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut tout simplement se rendre à la fin du tableau. Il y a bien des puzzles, une fois de plus. Les bébites, on peut les détruire de certaines façons. Quand on commence un tableau, on a tout le temps une coupe de jelly bean prédéfinie. Fait que ça t'aide un peu à deviner ce qu'il faut que tu fasses. C'est ça. Tu sais que, bon, si c'est pas un, c'est l'autre. Puis quand il commence le jeu, il te donne des indices. T'as des panneaux qui vont te montrer, bon, là, faudrait peut-être utiliser la trampoline. Là, faudrait peut-être utiliser ça. Puis, ce qui est le fun, c'est que y a un cadran qu'on peut ouvrir, une espèce de cadran avec les jelly beans qui sont tout autour. Ouais. Puis, au centre, le dessin le de dessin ce que le jelly bean ça fait. Ah, ça, écoute, c'est ça que ça prend. Fait que déjà là, tu vois, on a réglé un problème de la version originale. On avance. Puis, en plus de ça, pour lancer les jelly beans, si on tient notre bouton enfoncé, il va avoir un trajet qu'on va pouvoir voir. Donc, à peu près le même principe que quand on lance une grenade dans un third-person shooter, tu vas avoir vraiment le trajet, un pointillé qui montre où tu lances ton jelly bean présentement, puis tu peux ajuster ce trajet-là. Fait que si tu veux être sûr de le lancer sur ton blob. Ben, pas sur ton blob, parce que là, c'est vrai, autre chose que j'ai pas mentionné, tu le lances pas sur ton blob, tu le lances à l'endroit où tu veux qu'il se transforme. Ah, OK. Puis si ton blob est perdu, parce que là, des fois, ton blob, comme dans ton jeu, il reste dans le trou, loin. Il reste dans le trou, il est ailleurs complètement, il t'a pas suivi, tu peux l'appeler. OK. Mais tu peux aussi y lancer un jelly bean qui est un ballon. Puis là, il se transforme en ballon, puis il monte jusqu'à toi. Est-ce qu'il pogne assurément ton jelly bean? Il pogne assurément d'une façon ou d'une autre. À un moment donné, il va le pogner. Okay. Puis tu peux, tu peux baisser un peu l'écran pour voir où est-ce qu'il est rendu. Donc, des fois, ça t'aide à savoir s'il est pris. Des fois, ça, j'avoue que je trouve ça un petit peu fatigant, parce que des fois, je me suis dit, ben, Colin, t'as d'attendre après lui. Ça va faire. Là, j'ai déjà assez de problèmes avec cette thématique-là de donner des bonbons à un bonhomme pour qu'il m'aide à avancer. Mais on finit par se faire. Puis au départ, faut dire, le jeu est vraiment pas difficile. Là. Les 3-4 premiers tableaux, là, ben, c'est correct. Ils te mettent dans le poil. Ça va super bien. T'as aucun problème. T'avances, tu te rends fin. C'est merveilleux. Tu ramasses une fois de plus en passant. Blob doit avaler des trésors. Ouais, donc, ils avalent, c'est ça. Ouais, ils avalent. Fait que tu vas chercher tous ces trésors-là, un après l'autre. Quand t'en as trois, ce qui est génial, c'est que tu vas débarrer. Tu vas débarrer un tableau quand tu vas arriver à ta maison. Ce tableau-là, c'est un tableau défi avec plusieurs ennemis. Faut que tu te rendes jusqu'à la fin du tableau en évitant ou en tuant les ennemis. Okay. Pour tuer les ennemis, il y a une façon, entre autres, Blob peut se transformer en une espèce de canon, ou il peut se transformer aussi en une espèce de petite boule de bowling que tu lances, puis l'ennemi va mourir. Okay. Les ennemis aussi, on peut mettre un trou comme dans le premier pour pouvoir les faire tomber. On peut faire ça dans le premier? Tu peux faire ça dans le premier. Okay. Quand il marche, tu peux mettre un trou, puis ils vont marcher dans le trou, ils vont tomber en bas. Okay. S'il y a quelque chose en bas, tu sais, s'il y a de l'eau ou s'il y a un trou en dessous. Ouais, ouais. Mais c'est ça. Bref, le jeu, c'est pas mal ça. Il y a des boss. Les boss sont vraiment pas évidents, mais franchement, j'ai trouvé ça quand même assez compliqué. Puis le jeu, j'ai trouvé que la courbe d'apprentissage, très rapide, mais la difficulté est vraiment pas égale tout le long du jeu. Okay. Je veux dire, c'est super facile pendant un bout de temps, puis à un moment donné, on est rendu rendu à expert, là, d'une shot. Okay. Ça, j'ai trouvé ça plate. Parce que là, tu recommences. Parce que, encore une fois, il y a des continuums à l'infini là-dedans. Là, tu meurs, tu recommences tout le temps. OK. Il n'y a rien qui va t'empêcher de recommencer. Donc, ça a beau être cute à l'os, à un moment donné, tu peux finir par être vraiment agressé par ce jeu-là parce que tu n'arrives pas à trouver la solution ou, tu sais, il y a vraiment un bout du tableau que tu n'arrives pas à faire. Fait que ça, j'ai trouvé ça plate parce que la difficulté a pas été dosée. Ça a vraiment pas été travaillé, puis ça paraît parce qu'il n'y a pas de progression dans la difficulté. C'est, tu passes de facile à expert en un coup, puis ouais. C'est pas cool, tu sais. Non. Une chose à mentionner, en fait, qui est vraiment cool, c'est que on peut jouer avec la Wiimote puis le Nunchuck, mais on a donné aussi l'option de jouer avec le contrôleur classique qui ressemble à une manette de Super Nintendo. Ouais. Moi, je prends tout le temps cette option-là quand on me la donne sur le jeu de Wii parce que t'as un feeling vraiment old school. Là. Absolument. Puis, mais tu peux-tu jouer avec ton Nunchuck, faire bouger les affaires en donnant des coups? C'est que tu joues vraiment pour le contrôle du personnage puis pouvoir sélectionner tes jelly beans. Fait que c'est pas... Il n'y a pas vraiment d'intérêt à jouer plus sur l'un que sur l'autre. Peut-être sur la contrôleur classique, c'est que c'est un genre de jeu de plateforme, puzzle. Fait que ça se porte bien quand un contrôleur classique. Une chose que j'ai trouvé dommage, c'est que de la même façon que dans ton jeu, j'aurais aimé ça J'aurais aimé ça, moi, qu'il y en ait un bouton. Je disais, il y a tellement de boutons sur une manette de nos jours qu'il aurait pu donner facilement un bouton pour chaque Jelly Bean, mettons. Ah oui, il y aurait. Tu sais, une sélection un peu plus rapide. C'est comment tu fais la sélection? Tu peux start, ben, tu pèses sur là, left, right. Tu pèses sur un bouton, tu pèses sur right. Après ça, ça va ouvrir ton écran, ton espèce de petit rond avec tous les Jelly Beans. Là tu vas sélectionner celui que tu as besoin. Après ça, tu vas partir sur ta quête. Ah, ouais. Tu peux quand même garder le même Jelly Bean pendant un bout puis tu sais sélectionner tout le temps celui-là, mais tu sais, tu as un bouton pour ça, un bouton pour crier, un bouton pour sauter, mais... Ça aurait été le fun qu'il y ait comme une façon de les switcher peut-être un après l'autre sans revenir dans ta pastille qui te montre ben, c'est quoi. Ben, tu sais, moi, j'aurais fait, tu sais, left, right, tu sais. Absolument. La même affaire que des armes des jeux, là, ouais, dans le contrat. Si t'avances, tu recules, tu sais, c'est parfait. Malgré ça, là, tu sais, malgré ces petites lacunes-là, parce que c'est vraiment des petites lacunes, là, c'est un must, ce jeu-là. Pis... Un beau jeu. Un must pour la Wii, là. Ouais, pour la Wii, c'est vraiment dommage parce que c'est vraiment passé sous le radar. Ben, tellement, mon gars. Il y a pratiquement personne qui sait que ça existe. Personne sait c'est quoi, Boy and Esmeralda, en fait, c'est ça qui arrive. Là. Exact. Puis, celui-là, tu sais, c'est vraiment... Tu sais, c'est un beau jeu, c'est un bon jeu, c'est un jeu intelligent. Il n'y a aucune violence là-dedans. Un enfant qui commence pourrait jouer à ça autant qu'un adulte. Puis les animations, ça me fait penser là, au film Spirited Away. Ah oui, c'est quel ce beau genre film. De film-là, ou Ponyo, tu sais. Les bestioles font penser à ça aussi. Miyazaki, le réalisateur, je me souviens plus du nom, je veux pas me tromper parce qu'il y a des fanboys qui vont capoter si je fais ça, mais c'est vraiment dans la même direction artistique. Là. C'est super beau, la musique est excellente, vraiment. Puis c'est un jeu... Regarde, moi, je voulais qu'on le critique parce que j'avais jamais joué, j'avais pas eu le temps de jouer. Où c'est que t'as pogné ça? Là, je l'ai pogné, j'ai vu dans un Future Shop. Pas cher. J'ai vu ça à 20$. Ah oui. Puis là, je l'ai vu, je l'ai acheté tout de suite. Et je me suis dit, crime, je le trouve jamais. Je vais dans EB Games, je le trouve pas. Il est pas à mon club vidéo. J'ai vraiment de la misère à trouver ce jeu-là. Puis là, je l'ai trouvé. Fait que Future Shop, ils l'ont. Ils l'ont probablement en commande aussi si vous le demandez. Fait que. Achetez ça vraiment. Si vous avez une Wii, puis que vous n'avez pas perdu confiance, qu'il y a quand même des bons jeux sur la Wii, mais il y a des jeux aussi qu'on connaît pas sur la Wii qui sont super bons. Absolument. Fait que celui-là, c'en est un. Et moi, je dis, c'est un achat à coup sûr. C'est un jeu que j'aurais acheté 60$. Ça me fait penser le côté visuel, côté genre de jeu. Ça me fait penser un peu aussi à Wario Land Shake It. Ouais. Parce que c'était en animation traditionnelle, c'était un jeu de plateforme. C'est le même genre de jeu, puis si vous avez trippé ce genre de jeu-là, vous avez trippé là-dessus aussi. Fait que donc, un autre rétro nouveau, que le nouveau jeu l'emporte sur le rétro, mais regarde, au moins, on va de l'avant. Ben, c'est pas un échec, là. C'est pas un échec. Je veux le mentionner au niveau rétro, là, c'est pas un échec. Non. C'est très innovateur quand même, mais pour le jeu d'aujourd'hui, retourner à ça, c'est dérangeant. Ouais, c'est ça. La lenteur. Non, mais c'est certainement pas un échec, là. Non, c'est vraiment pas un échec. Moi, je suis super content d'avoir joué à ça, puis j'y joue encore, là. T'sais. Ouais, absolument. Puis c'est une belle pièce d'histoire du monde du jeu vidéo, ça. Ouais. Ouais, Yannis Blob, là, c'est unique, tu sais, carrément. Puis c'est peu connu, puis ça vaut vraiment la peine. Ouais, c'est très peu connu. Fait que pognez-vous ça, vraiment, là, top notch. Puis en passant, WayForward, vous voyez ça sur un jeu, sur une pochette à quelque part. Si vous êtes impulsif, achetez-le. Mais si vous n'êtes pas impulsif, vous aimez étudier vos affaires, allez voir ce que WayForward a fait parce que jusqu'à maintenant, ils ne se sont pas trompés souvent. C'est du monde qui font bien leurs affaires. Puis c'est un développeur vraiment à surveiller. À surveiller, je dis ça. Ils ont une tonne d'années derrière eux, mais ils font tout le temps des bons jeux. Mm. Fait que c'est ça. Bonus Bob, achetez ça. C'est cool de parler d'un bon jeu de Wii. Ça me donne le goût, on en reparlera, là, mais ça me donne le goût, à un moment donné, on pourrait peut-être faire un... Quand la Wii va vraiment être morte, là, tu sais, peut-être... Ben, pas mal morte! Non, mais morte dans le sens que la Wii U va sortir, là, je sais pas quoi. On fera un top, là, des meilleurs jeux de Wii, là, que ça vous prend absolument, parce que ça, c'en est un, puis personne ne le connaît, tu sais, puis il y en a d'autres aussi. Ah, il y en a d'autres! Puis ça serait le fun de faire un dernier hommage à la Wii. Ben oui, certain. Certain, surtout que le dernier épisode, en plus, je sais pas si c'était le dernier ou l'avant-dernier, mais on parlait, on disait « Call in Nintendo », sortait des jeux. Parce ben que là, c'est il y a Kirby Return ouais. to Dreamland. Dans le prochain épisode, va... en passant, on fait la critique de ce jeu-là. Non, non, moi je parlais de Kirby Wii. Ah oui, toi tu parlais de Kirby Wii, oui, ouais, c'est vrai. Moi je parle de ça, là, c'est la DS. Ouais, parce que la DS n'est pas morte non plus, en passant. Ouais. Là, vraiment pas. Mm. Donc, c'est ça. Ça fait le tour. Ça fait le tour, certain. Fait que, bref, en terminant, je sais pas si t'avais quelque chose à ajouter là-dessus. Non. J'aimerais seulement dire au monde, une fois de plus, joignez-vous à notre Facebook. On le dit jamais assez souvent, puis on voit que le monde écoute parce que, bon, il y a de plus en plus de gens sur notre Facebook, puis c'est vraiment intéressant parce que là-dessus, on regarde vos commentaires, on y répond, on peut échanger, on met des niaiseries là-dessus, on pose des questions. Dernièrement, j'ai parlé des Laserdiscs parce que je m'aperçois que... Hey, ça a levé, ça. Ouais. Il y a bien du monde qui ont joué à ça, ces affaires-là. Mais c'est ça, je m'aperçois qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui connaissent les Laserdiscs, mais ça faisait partie aussi des jeux rétro, puis c'était le fun parce qu'entre autres, c'est ça, Mad Dog 1 et 2, c'était tellement des bons shooters western. J'aimais ça dans le temps que le monde les filmait, les jeux. Ouais, ben, il y a eu des grands fiascos là, cette gimmick-là, mais il y a eu des bonnes affaires aussi au travail. Ça, c'en était une excellente. Moi, j'avais joué à l'arcade, je me disais, mais mon Dieu, la technologie, la vie est c'est ça. Là, du vrai monde. Qu'on joue avec. Ouais. Je capotais, tu sais. Puis le gars, il tombe, man. Comment ça se fait d'affaire de même? Tu sais, Duck Hunt, là, on est loin, là. Eh oui. Mais on n'était même pas si loin que ça dans le temps que j'avais joué à Mad Dog. On était à côté, là. C'était malade, là. Donc, écoute, on en reparlera. C'est disponible à quelque part, ça, encore aujourd'hui. Faut-tu que j'investisse? Ça, c'est. Ouais, je pense qu'il faudrait t'investir parce que ça a été porté après ça sur Sega CD. Ouais. Sega CD en a pris une coupe. Ouais. La 3DO en a eu. Ah oui. Fait que toutes les consoles basées CD, les premières, là. Saturn, c'est-tu là-dessus? Saturn, il me semble que Saturn, c'est là-dessus, mais Saturn, c'est tough en tabarnouche à trouver, là. Moi, j'ai eu bien de la misère. Parce que moi, j'aimerais bien ça repogner Knights à un moment donné. Là. Je sais qu'il a été refait pour la Wii, un autre, qui serait probablement bon à trouver. Mais non, c'est ça, les Laserdiscs, c'est tout le temps cool. Je sais que, bon, il y a Don Bluth, entre autres, celui qui a fait les Dragon's Lair, Space Ace. Ouais. Lui, il a décidé littéralement de profiter de cette vache à lait-là qui est Dragon's Lair, puis de la porter sur iOS. Ouais, ouais. Fait que ça marche, c'est parfait. Puis absolument. Il est sorti aussi sur XBLD, PlayStation Network. Il est sorti aussi sur les consoles de Nintendo, autant la DS que la Wii. Fait que ça, c'est le fun. Puis c'est des animés, mais moi, c'est des live-action que je veux. Moi, je veux vraiment... Celui-là, c'était des films. Ouais. Tu en as parlé récemment, entre autres, de Road Blaster. Puis ça, c'était un animé. Mais moi, je veux vraiment, là... Mad Dog, Colin. Mad Dog, c'était mon exemple pour le Laserdisc. Mais j'ai tellement eu le fun avec ce jeu-là. Là, c'était écœur, hein? Tu sais, imaginez Red Dead Redemption, mais c'est un film à place, tu sais. Ah, ouais. C'est un film. Ça serait écœurant, tu sais. Mais en tout cas, bon, coudon, ça va peut-être arriver un moment donné. Peut-être. Fait qu'en tout cas, d'ici à ce que ça arrive, on va quand même faire d'autres épisodes. Donc, on vous dit au prochain épisode. Yes. Merci, bye. Salut. Retro Nouveau.